quoi bien. Ouais. Cherche quelque chose. Tu fumes? Ouais, carrément. Vas-y. Non. Je suis à 91 milieu sous la mer. J'ai 1000 E sous la semaine. J'ai même souci en fin de semaine. J'ai paire de couilles en cas de problème. Le monde, je le vois travers, je le montre. En l'air jusqu'à ce que putain de bonheur se montre. Y'a pas de cinéma, j'ai pas de temps. Pas de temps à donner ou à perdre. Baba m'a dit faut du tout. Faut scier le canon pour la guerre. Et la guerre, et la guerre, on l'a fait, on la refera. Pourquoi donc épiloguer? Pas de paix, pas de paix, pas de paix. Dans le contrat, la haine pour copiloter. Il s'agit de ne plus jouer au con. Dans le regard, pareil qu'on y voit une âme. Chez moi, on dit qu'au fond du trou, jette un homme, il ressort avec une arme. Oh, pardonnez-moi. Poussez-vous là-bas, vite fait, deux secondes. Parce que sinon c'est ma bite dans votre cul qui vous flaire, qui vous sert de sonde. J'aime voir le ciel, j'aime ce silence, alors ferme ta gueule. J'perds pas le nord, non j'ai le courage qui emmerde ma peur. La feuille est si belle, plus j'écris, plus sali. Fleur de décibels, ma rage les contamine. Les contamine. Un million par mois, un million par mois. Et là j'ai le bon timing. Sous alcool, sous bœuf, j'ai tout fait consciemment. Le poids de mes erreurs, découpé constamment. Un regard, un mytho, un sourire. Et le cœur qui ne veut plus se nourrir. Des minutes, des années sur la montre. Naïveté ou trahison sur un mot. chercher. Je sais comment on va ramener le machin. Vie est moche, donc on l'a maquillé avec des mensonges. Ego, son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. J'sais pas ce qui se passe dans ma tête, parfois. J'voudrais sauver la terre, parfois. J'voudrais l'avoir brûlée. Ça va pas trop, j'roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas calculer. J'aime pas tes rêves, cauchemar entassé, le cœur qui brûle, sentiment glacé. On se connaît pas, j'aime pas ton passé. L'ami va bien, passe embarrassé. Parfois peur de demain, peur de tenter la vie. Parce qu'on a grandi, et ma haine aussi. Chérie, t'as le goût qui bat, un peu de tendresse qui part. Non car j'ai le cœur qui bat, après 4-5 bars. J'sais pas si le bonheur va m'endurcir, dur dans la mer. J'sais pas si son cœur va me suffire, j'rajoute la mer. J'regarde le ciel, j'attends l'orage. J'attends la nuit, j'attends mon cash. J'me vide dans le cul du superficiel. J'recharge mon âme, j'ai le cœur qui saigne. Les sentiments t'as chanté éphémère. J'ai le cœur qui bande devant le billet vert. Ça a ouf. J'croise les mêmes cafards dans le même bar. Comme ça la cabale au vrai. J'ai les mêmes plats pour les mêmes pâtes. Y'a moins de stress à 6 du mat. et je veux plus jamais voir l'impasse. C'est pour ça que je l'ai mise à nu. Elle m'a volé mon cœur. Confiance, confiance. Plus de mal que de peur. Garde tout de temps, plus de larmes que de pleurs. Garde tout de temps, plus de larmes que de pleurs. J'ai pas le temps de séduire. Faut que je retourne charbonner. J'ai pas le temps de te mentir. Que l'œuf abonné. Cette lumière va partir. Et mes rêves vont partir. Cette lumière va partir. Obscurité mentir. La manière dont tu comptes en dis long sur ce que t'as brassé. La manière dont tu pompes en dis long sur ce que t'as sucé. Tends pas ta main. On te tord ton âme. Et le shit a brûlé. Jusqu'au dernier gramme. Fils de pute. Desde el principio, ¿cómo, cómo ha sido tu carrera? ¿Cómo fue cuando empezaste hasta ahora? Thank you. pris ça, c'est pour son maintien ça. Marshall il est là. Si le prochain il était là, ce maintien il est passé par ici, ça c'était plus fort. On y va. Tout de suite. Thank you. là. Tu vois ce que t'as pris. C'est un truc. Tu le vends. Tu fais tourner. C'est de la yaska, d'accord? Vas-y. La bonne, tout est bon. Et ma haine aussi.